Le 15, le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a fait un exposé d'information de la situation aux représentants diplomatiques des pays de l'ASEAN. Y ont pris part les ambassadeurs vietnamiens, laotiens et indonésiens et le chargé d'affaires par intérim du Cambodge à Pyongyang. Park Jong-hak, chef du département d'Asie 2 du ministère des Affaires étrangères, a informé l'état de la politique d'hostilité anti-nord-coréenne des États-Unis qui arrive à une étape extrêmement téméraire et la position de principe de la Corée pour y faire face. Il a souligné, entre autres, les États-Unis rehaussent le niveau de pression militaire contre la Corée en introduisant en permanence et massivement leurs biens stratégiques nucléaires dans la péninsule coréenne, d'une part, et d'autre part, intimide ouvertement les autres pays de rompre les relations diplomatiques avec notre République ou d'abaisser leur rang tout en abusant des soi-disant résolutions de sanctions contre la Corée. Les États-Unis abusent des résolutions en question dépourvues de légitimité, de moralité et d'équité et les interprètent de façon amplifiée. C'est là la violation barbare de la souveraineté et l'ingérence dans les affaires intérieures des États indépendants, ce qui va à l'encontre de l'idéal de l'ASEAN qui a pour principe l'indépendance, l'égalité, le respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires intérieures. En tant que puissance nucléaire, la Corée fera tous ses efforts pour assurer la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et de la région et développer davantage les relations d'amitié et de coopération traditionnelles de longue histoire avec les pays membres de l'ASEAN. La grande réussite au tir d'essai de l'engin balistique stratégique de moyenne et longue portée sur le sol du nouveau type façon 12, déroulé le 14 courant sous la conduite personnelle du dirigeant suprême Kim Jong-un, a une importance considérable et spéciale pour assurer la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et de la région. Si jamais les États-Unis osent choisir la provocation militaire contre notre État, nous sommes prêts à y faire face sur le champ. Et nous continuerons à fabriquer davantage d'armes nucléaires et de moyens de frappe nucléaire de haute précision et diversifiés jusqu'à ce que les États-Unis et leurs suivistes font un choix correct en reprenant ces esprits et à accélérer les préparatifs d'expérimentation nécessaires. Les participants au briefing ont exprimé leur compréhension à la position de principe de notre République relative à l'actuelle situation de la péninsule coréenne.